To drive. So fed up, Bobby scrubbed me down. Soaked wet through, so damp I could drown. You know, there's some stains never gonna wash out. Don't just toss me away. Well, I'm down, but I ain't out. Don't leave me hanging out to dry. Off your washing line, the rain pours down, the sun it shines, don't leave me hanging out to dry. To dry. I'm all washed out, my colors have run. Full of holes, think my time has come. You got me in a spin, baby. Seem to have no end. Won't you patch me up sometime so you can wear me out again? Don't leave me hanging out to dry. Take me off your washing line. Rain pours down, the sun it shines. Don't leave me hanging out to dry. Don't leave me hanging out to dry. Take me off your washing line. Rain pours down, the sun it shines. Hello and welcome. Bienvenue. Vous écoutez La Croisière Folk. C'est la dernière émission de La Croisière Folk. Vous avez l'air étonné. Allez, attendez, je vais vous expliquer. À partir de la semaine prochaine, eh bien, nous avons... C'est le mois de décembre. Donc, ce qui veut dire, pour ceux qui ont l'habitude d'écouter l'émission, c'est la quadrilogie de Noël. Autrement dit, la programmation sera festive. Il y aura des musiques folk de Noël, des musiques folk pour cette fin d'année. Et donc, donc c'est la dernière avant 2025. Dernière programmation, j'allais dire normale, mais elles sont toutes normales, les émissions. Et puis, en 2025, on redémarre de nouveau, bien sûr, nos émissions comme d'habitude. Voilà, comme ça, vous savez. Donc oui, en effet, c'est la dernière de 2024. Allez, on a démarré avec Jesse Jane, le Quatuor, et Hanging Out to Dry. Alors, ils sont quatre, ils ont vu le jour il y a plus de 12 ans, et depuis 7 ans, ils font vibrer la scène musicale de Liverpool. Le deuxième titre qu'il nous interprète, Hanging Out to Dry, c'est une pépite pleine d'énergie, abordant avec humour les tensions conjugales et les moments où l'on se retrouve dans les mauvais livres de son conjoint. Allez, une chanson qui met au défi quiconque d'y résister sans taper du pied. Et puis, ils ont une page Facebook, ce quatuor, The Jesse James Band. Voilà, c'est sur Facebook. Et puis juste après, Aaron Burdett avec Louise, extrait son album Fruit of My Labor. Album de 2014, The Barefoot Movement, Rocky Island, extrait de leur album Live in LA de 2016 et Babor Amur, La Mouette et le Goéland, extrait d'un album sorti il y a presque 20 ans, Château de Sable, donc album de 2005. Voilà, j'espère que vous allez apprécier la programmation de cette dernière émission pour 2024, bien sûr, mais rassurez-vous, on se retrouve la semaine prochaine. Mais attendez, c'est pas encore fini, hein, ne partez pas. On se retrouve la semaine prochaine avec la quadrilogie de Noël. Il y aura plein de bonne musique. Et puis, ben, on se retrouve de nouveau en 2025 pour la sixième année déjà de cette émission La Croisière Folk. Allez, tout de suite, voici Aaron Burdett avec Louise. À toutes les Louises, eh bien, je fais un gros bisou. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue à bord. Welcome aboard, ladies and gentlemen. Louise sets her mind a-running every time he calls. She stares at the phone a-ringing there on the kitchen wall. Every day so far she's gone the same way. Any day that could change. More and more she's got mixed feelings. More and more she doesn't know the way. More and more when they met, it was all so much clearer. It made sense from that very first night. But over time, she's got questions arising. She's torn between what's wrong and what's right. Every day, the doubt is growing stronger. Like a fog has crept into a sunny day. More and more, she's got mixed feelings. More and more, she doesn't know the way. More and more, she knows that her heart and her head don't agree. More and more, what's next is harder to see. Flowers on the tablecloth, black coffee in her chair legs scrape linoleum as she finds the strength to stand. Today could be the day she does things different from before. Just 5 steps to the telephone or pass it out the her mind are running every time he calls. She stares at the phone a ringing there on the kitchen wall. La Croisière Folk. Music and fun. Way up on the mountain, go a little kid. My candy dolly, my pretty little Liza Jane. I'm going to Rocky Island. Oh, honey, oh. my candy, darling. You know I love her so. Wish I had a big fat horse called to feed him more. Pretty little girl to stay at home and feed him when I'm gone. I'm going to Rocky Island, oh honey, whoa. See my candy darling, you know I love her so. Dark clouds are rising, sure a sign of rain. Put that old grape on it, oh, my pretty old Liza Jane. I'm going to Rocky Island, oh, honey, whoa. See my candy darling, you know I love her so. On raconte qu'une baleine sa chaloupe a renversée. L'âme de la mouette et le goéland. Sur ma goélette, je vais droit au vent. Alors j'ai pris la route, je voulais naviguer. Crimant au fond des sous, voir de celle est fatiguée. L'âme de la mouette et le goéland. Sur ma goélette, je vais droit au vent. J'ai fait le tour du monde, j'ai failli mourir souvent, défiant la mer qui gronde et les hurlements du vent. L'âne de la mouette et le goéland, sur ma goélette, je vais droit au vent. De barcasse en chaloupe, de saison en marée, j'ai su gagner ma soupe et le beau galon doré. L'âne de la mouette et le goéland, sur ma goélette, je vais droit au vent. Jusqu'à mon dernier souffle, je voulais être sur le pont, debout au bord du gouffre, prêt à lancer le harpon. L'âne de la mouette et le goéland, sur ma goélette, je vais droit au vent. Aujourd'hui je suis capitaine, mais je reste sur le quai, car j'ai une jambe à la traîne, je navigue plus dans les troquets. L'âne de la mouette et le goéland, je vais droit au vent, je vais droit au vent, je vais droit au vent. À l'instant, bâbord, à mur, la mouette et le goéland, et tout de suite, voici 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dernier album que je vous présente pour 2024, c'est Appalachian Smoke, leur album éponyme. C'est une fusion de bluegrass traditionnel et contemporain, profondément ancré dans ses racines appalachiennes. Ce groupe propose une musique originale mêlant nostalgie et innovation. L'album séduit par ses paroles authentiques et son instrumentation vibrante. D'après le site Bluegrass Today, il équilibre des morceaux reflétant l'environnement d'origine du groupe, tels que Maggie on My Mind et Don't Wash Away Our Home, avec une touche contemporaine accessible, rappelant des artistes comme Town Mountain et Steep Canyon Rangers. Le groupe se compose de B.G. Taylor, de Michael Laws, de Jamie Mason, de Kenneth Reimer et Tim Williams, chacun contribuant au caractère vibrant et sincère de cet album. Et donc, de cet album éponyme de Appalachian Smoke, on écoutera Maggie on My Mind, Don't Wash Away Our Home et Nashville Blues. Si vous avez envie peut-être de nous écrire, c'est très simple, nous avons une adresse. En un mot, lacroisièrefolk@yahoo.com. Et puis n'oubliez pas d'aller voir la page Facebook, puisque sachez-le, on poste des vidéos. Et la première chanson que vous avez entendue dans cette émission, celle de Jesse James, Hanging Out to Dry, eh bien, il chante dans un bateau. Et vous pouvez voir la vidéo gratuitement sur notre page Facebook. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mind. I get caught up in this feeling from time to time. I thought I'd found another, but no tougher I can find. Once again down in the valley, little Maggie's on my mind. I'd be lying if I said I didn't miss her anymore. Our daddy's mind together, the loaded cards with copper ore. Maggie lost it the day your dad was killed in Eagle Mine. She stepped out in the darkness and left me here behind. In the night we'd slip off dancing to a band at Andrew's ball. Come Sunday she'd be the first to the altar when it called. Now she's stepping toe to toe with any man that wants to fight. Devil's got her working, wrecking homes and drinking shine. I woke up with little Maggie on my mind. I get caught up in this feeling from time to time. I thought I'd found another, but no tougher I can find. Once again down in the valley, little Maggie's on my mind. Town below the lake. Pick a song on the banjo, put her picture in my hand. Just sink me to the bottom of this flooded miner's land. I woke up with little Maggie on my mind. I get caught up in this feeling from time to time. I thought I'd found another, but no tougher I can find. Once again down valley, little Maggie's on my mind. Un, deux, trois. Late summer in the dog days, one dark and eerie morn, the wind was howling through the trees, stirring up a storm. The clouds were black as night, and they covered up the sun. Then the dark sky began to cry, and her tears fell one by one. The river is rising, the mud. On the Nashville Blues. guys in the lobby just want folks to hear. And the winners from last year just want closed door and beer. But the one who sold his heart to make his dreams come true just wants a nod for his good work. I'm so wrong. I took all my money for heat, groceries too. Burn it here in the cold on the Nashville morceaux avec lesquels vous avez pu découvrir cet album de Appalachian Smoke, album sorti en 2024, Maggie on My Mind, Don't Wash Away Our Home et Nashville Blues. Vous le savez, toute cette année 2024, nous avons célébré le 125e anniversaire de la naissance de Maurice Karam. Donc aujourd'hui, c'est le dernier poème de Maurice Karam. Et oui, parce qu'à partir de la semaine prochaine, en décembre, bien sûr c'est la musique de Noël, mais qu'est-ce que vous allez retrouver comme contenu ? Des contes de Noël. Ah ! Je suis sûr que vous allez adorer. Et aujourd'hui c'est le poème Le Miracle. Alors c'est un poème qui évoque la magie de la poésie, capable de transformer la réalité la plus simple en merveille. Avec des mots simples mais empreints de profondeur, Maurice Karam illustre comment la poésie peut magnifier l'ordinaire et révéler une beauté insoupçonnée dans le quotidien. C'est un poème qui figure dans le recueil La Lanterne Magique, publié en 1947. C'est un ouvrage où l'auteur explore avec légèreté et sensibilité des thèmes universels au travers des images accessibles et lumineuses. Et puis, juste après le poème Espliego, avec El Señor del Castillo, c'est extrait de leur album Cortes de Amor, un album de 2007. Alors, Espliego est un duo fondé en 1999, donc 1999, par les chanteurs et auteurs castillans José Ignacio Cordero et Pedro Chaparro. Il a débuté en mettant en musique des poèmes régionaux. Après 3 albums régionaux, le groupe a pris une envergure nationale avec Nunca Fuera Caballero, basé sur les poèmes de Don Quixote, enrichi par de nombreux invités prestigieux et un spectacle musical associé. En 2005, avec cet album Cortes de Amor, ils ont exploré les thèmes d'amour provençaux médiévaux, inspiré des tribunaux sentimentaux de Léonore d'Aquitaine, avec une production ambitieuse et de nombreux collaborateurs notables. Pablo Guerrero, juste après, avec Grillos, et puis la Rioule des Compagnons du Monde, qui nous parleront de Fraises des Bois. Et c'est extrait de leur album Autour de la Lanterne, album de 2019. La Rioule, groupe fondé en 2016 par Johan Pesenti, est composé de 8 musiciens issus des grandes médiévales d'Andilly. Ils revisitent les traditions médiévales avec une énergie néo-folk moderne et immersive. Ce premier album Autour de la Lanterne mêle chants anciens et créations originales, explorant les thèmes du voyage et de la fête, comme ça vous en savez un petit peu plus. Le miracle, l'effleurant à peine du pied, un ange traversa la route, encore tremblante de rosée, et couvrit de fleurs le péché. Un enfant soudain réveillé ouvrit sur lui des yeux immenses, où l'univers émerveillé tenta de prendre conscience. Car nul ne se doutait de rien. L'enfant seul était aux écoutes. Un homme bêchait son jardin. Un chariot suivait la route. La croisière folk. Don't worry, be happy. con los grillos en las butacas, levitas negras, negras corbatas, cantan los grillos en la escalera, unos un fado, otros rancheras, grillos azules, canto amarillo. Tengo la casa llena de grillos, cantan los grillos en las cabezas. Creo que por algo, digo, se empieza. Cantan los grillos, no me dan pena, mejor los cantos de las sirenas. Grillos azules, canto amarillo. Tengo la casa llena de grillos. Los grillos en el Senado, pasó la noche desafinado. Cantan los grillos en las Españas, me marcho al zoo, como unas cañas. Grillos azules, canto amarillo. Tengo la casa llena de grillos. J'ai rempli ma besace et je sors chez moi. J'ai de belles bécasses pour la braise des bois. Bienvenue dans la Minute Astuce, votre cocktail d'ingéniosité pour pimenter votre vie. Dans chaque chronique, on vous livre les secrets malins pour simplifier votre quotidien et rendre chaque journée un peu plus douce. Que ce soit en cuisine, en bricolage, en santé ou même en beauté, la Minute Astuce vous offre les clés pour dompter tous les défis du quotidien. Alors, accrochez-vous pour une minute ou deux et découvrez comment devenir le roi ou la reine de la vie pratique avec nos astuces éclairs. Prêt pour un coup de génie? C'est parti pour une minute ou deux d'astuces qui révolutionneront votre quotidien. Vous écoutez La Croisière Folk et c'est la dernière émission de cette Croisière Folk pour 2024. Mais restez branchés puisque la semaine prochaine, eh bien, ce sera la quadrilogie de Noël. Donc durant 4 semaines, on vous proposera les meilleurs morceaux folk de Noël et des fêtes. Et puis sachez-le, sur la plateforme sur laquelle on poste donc les émissions pour que vous puissiez les réécouter, IRDIS, ça s'appelle IRDIS.at, eh bien on aura des playlists de 90 minutes non-stop de musique folk de Noël. Voilà, ce sera un petit cadeau pour vous, on vous l'annoncera. Et en plus, ce qui est chouette, c'est que sur IRDIS, eh bien vous pouvez télécharger les émissions et vous pourrez aussi télécharger les playlists de Noël. Alors, dans cette chronique donc, dans laquelle je vous donne des petits trucs, eh bien, je vais vous donner une petite recette contre le rhume. Pour cela, il vous faut un citron et une cuillerée à café de miel d'acacia. Alors, à la première sensation de froid, pressez un citron, en versez le jus dans un verre d'eau chaude, ajoutez une cuillère à café de miel d'acacia et consommez immédiatement. Voilà, comme ça, vous savez tout. Et tout de suite, voici Craig Wirth avec My Way or the Highway, Raise the Vibration, Put a Woman in Charge et Kerry Patrick Clark avec The Harris Waltz. It's all on the radio, because they tell me so. It's everything I need to know. You're a fool and I'm a clown, though we stand on common ground, but only if we both look down. I do not understand. It's my way or the highway. Throughout the life of this great land, it's been written in the plan. We speak our minds and then shake hands. What I believe you may not see. If I think you don't think like me, it's just not safe to disagree. I do not understand this my way or the highway. less than half on either side. Strewn about this nation wide, you'd better run, you'd better. Flags and ribbons, giant cars, TV stocked with plastic stars. Oh, how I wonder who we are. I do not understand this my way or the highway. I do not understand this my way or the highway. I do not recognize this my way or the highway. Back when, in the beginning of time, man made the fire, then the wheel, went from a horse to an automobile. He said the world is mine. He took the oceans and then the sky. He said the border, he built the walls. He won't stop till he owns it all. And here we are, standing on the brink of disaster. Enough is enough, is enough, is enough. I know the answer. Put a woman in charge. Put a woman in charge. Put a woman in charge. Put a woman in charge. Put a woman in charge. The time has come. We've got to turn this world around. Call the mothers. Call the daughters. We need the Sisters of Mercy now. She'll be a hero, not a fool. She's got the power to change the rule. She's got something that men don't have. She is kind and she understands. So let the ladies do what they were born to do. Raise the vibration and make a better place for me and you. Put the woman in charge. Put a woman in charge. Put a woman in charge. Put a woman in charge. Hallelujah, hallelujah. We're gonna feel the magic when the girls take over. It's gonna be fantastic. Put a woman in charge. Put a woman in charge. Put a woman in charge. Put the woman in charge. Put the woman in charge. Put the woman in charge. Avec la croisière folk, partez sur la route pour découvrir de nouveaux paysages musicaux. J'étais sur la route toute la sainte journée. All in my life, I only been male. My skin tone has always been pale. I know what I know, my privilege shows. I've struggled, worked, I've prevailed. But I feel the scales starting to move. Swing to a new kind of groove. It's not a one, two, three, four, the same as before. It's a dance about us, we can choose. The yous and the me's. Step one, two, three. Dancing the Harris waltz. No going back. It's such a great track. Dancing the Harris waltz. The old men will be making some noise. What about me and the boys? Who's got our backs? I'll remind them the facts. There's plenty for all to enjoy. Now this question may come as a shock. How much is enough till you got all that you need? Well, that sets you free. This is different than what we were taught. Step one, two, three. It's got a great beat. Dancing the Harris waltz. Slow, quick, quick step. Never forget. Dancing the Harris waltz. We spin on this marble of blue. With seldom a shared point of view. When looked at from space, there's one human race. This is a race we can't lose. We can't lose. I know we're both partly to blame. We continue the same selfish game. Raise flags and choose sides. Conquer, divide. There's nothing that will ever change. With you and me, let's call us we. Dancing the Harris waltz. Pop, step and grin. Everyone wins. Dancing the Harris waltz. Now we all know the steps. Let's not forget. Dancing the Harris waltz. Hey you. Ça y est, c'est fini. Et voilà, merci d'avoir suivi cette émission. Alors, rassurez-vous, certains ont peut-être paniqué en disant « Quoi, c'est la dernière ?» Oui, la dernière pour 2024, puisque je me répète peut-être, mais à partir de la semaine prochaine, eh bien, vous aurez le plaisir de pouvoir suivre cette quadrilogie de Noël. Ça veut dire que tout simplement, eh bien, vous pourrez suivre les meilleurs morceaux de la musique de Noël. Et puis je vous rappelle, parce que c'est vrai que je ne vous l'ai pas dit souvent, il existe une plateforme qui s'appelle hear10.at, donc c'est hearthis.at, vous tapez la croisière folk et là vous aurez toutes les émissions que vous pourrez réécouter. Et pendant la période de Noël, je vais vous poster plein de playlists de 90 minutes, donc de 90 minutes de musique folk de Noël que vous pourrez écouter, mais aussi télécharger pour pouvoir la partager avec vos amis et l'écouter quand vous voulez. Sur votre téléphone portable ou sur votre lecteur de MP3 si vous en avez un. Et on va se quitter avec Noël Paul Stuckey, Dance to the Madulenjo. Alors, qui est Noël Paul Stuckey? Eh bien, il a fait partie d'un trio, Peter, Paul and Mary, ce trio folk américain formé en 1961 à New York qui a marqué le renouveau de la musique folk des années 60. Et puis sachez qu'après le décès de Mary Travers, donc qui était l'une des trois du membre, Yarrow et Stuckey ont poursuivi en duo. Allez, merci de nous avoir écoutés. Que la force soit avec vous et avec tous les autres. Et rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye. I'll be back. Je suis de religion catholique. Moi, tout ce qui est le serpent avec Adam et Ève et la pomme, j'y crois plus. Je suis trop malin pour ça. Parce qu'un serpent est gentil. Et une pomme, c'est bon. Ça contient de la pectine. Santé cholestérol. Comment l'amour? Non, je ne crois pas, non. Pourquoi ? pas envie. C'est dingue parce que j'ai l'impression que tous les deux vont bien s'entendre. La croisière folle. Good vibration. Party up on the hill in a house that was divided. One side red, one side blue, and the rest was undecided. I come to play the man you lay in your. I tell the man at the door, go round back, he say to me, they don't dance here anymore, 'cause there's an elephant in the living room, a donkey in the hall. Between the braying and the trumpeting, they can't hear the music. They don't hear the music at all. Around the back to the kitchen, there's a party going on. I take out the manuelino and play this familiar song. It sounds a little like an ukulele, a banjo and a mandolin, and a little like how we the people became American. We moved a little bit left, a little bit right, we found a way to compromise. With a little bit of love and a little bit of light, we dance to the manuelino, dance to the manuelino. Never heard this song before. Maybe didn't realize it's an eight-string metaphor. If you listen with your heart now, if you take the chance, you will hear the manuelino calling us to dance and move a little bit left, a little bit right. The future could look so much brighter with a little bit of love and a little bit of light. We could dance to the manuelino, dance to the manuelino. I'll move a little bit left, a little bit right. Feels so good you could dance all night with a little bit of love and a little bit of light. We dance to the manuelino. Oh, I dance to the manuelino. How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white whispering.